Bon, Stephen King alors. Oui, Stephen King, puisqu'il nous a livré sa dernière fournée. Oui, puisqu'il avait encore des impôts à payer, comme chaque année. Oui, mais vu ce qu'il nous a livré, moi je dis, je veux bien qu'il ait encore des impôts à payer. Ah, c'est bon de vous livrer. D'accord. Ils peuvent même lui faire un redressement s'ils veulent. Un contrôle TVA. Puisque son dernier opus s'intitule Histoire de Lisée. Il fait toujours ses 700 pages. Il est publié chez Albin Michel. Alors, je vais vous faire un bref rappel. Rassurez-vous, ça va pas durer longtemps. De la bibliographie de Stephen King. Donc, Stephen King a publié son premier livre milieu des années 70. C'était Carrie. Donc, c'est vraiment le créateur de l'horreur moderne. Puisque avant lui, c'était Matheson et Bradbury, dont il est très influencé, dont il a été très influencé. Mais son influence aussi, c'était les comics américains des années 50. Et il a vraiment créé l'horreur moderne avec une horreur graphique, limite un peu gore. Donc il a initié cette nouvelle tendance. Et puis dans les milieux des années 90, il a changé un peu de voie. Il a amorcé un virage vers une horreur purement psychologique. Donc il y avait déjà beaucoup de psychologie dans ses bouquins, mais à partir des années 90, c'est vraiment une horreur psychologique. Donc une période qui a été amorcée avec les romans comme Dolores Claiborne et qui trouvera son apogée avec les romans comme Jessie, la petite fille qui amenait Tom Gordon et... Rose Madder. Donc vraiment la moins bonne période de Stephen King, puisque Stephen King, la psychologie dans les livres de Stephen King sont vraiment quand elles sont au service de l'horreur, ça va, mais quand il essaye de faire de la psychologie pour de la psychologie, ça allait franchement moins bien. Et puis la fin des années 90 et son accident vont progressivement le faire revenir à ses premiers amours avec Rose Master et plus récemment Cellular, mais aussi Dreamcatcher, donc des romans qui tendaient de nouveau plutôt vers l'horreur plus graphique et moins psychologique. Donc ici, Histoire de Lisée, c'est vraiment le parfait mariage entre ces deux tendances, donc l'horreur graphique et l'horreur psychologique. Puisque l'histoire de Lisée nous raconte ce qui va arriver à Lisée. Donc Lisée qui est la femme d'un écrivain de fantastique aussi. Donc mais un petit écrivain, pas de l'ampleur de Stephen King, un écrivain qui vend bien, mais qui ne fait pas qui ne vend pas des millions. De livres tous les ans, donc qui s'appelle Scott Landon et qui meurt dans la cinquantaine de mort naturelle et sa femme 2 ans après va décider de trier son bureau, donc la pièce où il écrivait et où il conserve tout ce qui a trait un peu à sa vie d'écrivain. Et parallèlement à ça, la sœur de Lisée dont elle s'occupe puisque elle a déjà fait des accès de démence, eh bien, elle tombe ici dans un état carrément catatonique. Mmh. Donc, oui. Oui. Pas gâté. C'est pas très joyeux, mais c'est le roman le plus personnel de Stephen King, puisqu'il revient sur un des thèmes qui est un de ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire le statut d'écrivain et le processus de création. Qui est ici dans ce livre est vu comme un état particulier dont je vais pas vous en dire plus parce que sinon ce serait vous déflorer totalement l'intrigue. C'est un état dont le roman Shining et la nouvelle fenêtre sur Jardin Secret étaient les prémices. Donc ces deux livres étaient un petit peu, si vous voulez, les premières idées de Stephen King sur l'état de création, et avec l'histoire de Lisée, il transpose vraiment de manière magistrale ici sa vision de l'écriture et de la création. Donc c'est le roman le plus personnel de ce point de vue-là, mais c'est pas tout. C'est aussi un très grand roman sur l'amour et sur le deuil, qui est empreint d'une tristesse et d'une mélancolie qui est assez peu habituelle chez Stephen King, parce que il y a quand même très peu d'histoires d'amour chez Stephen King en tant que tel. Et quand il y a des couples, dans Shining ou dans Jessie, dans Dolores Claiborne, les femmes sont souvent victimes des hommes. Ici, c'est absolument tout à fait le contraire. C'est un. Ce sont les hommes qui sont victimes des femmes. Non, Scott et Lizzie, c'est un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, il parle de l'amour, mais il parle de plusieurs sortes d'amour dans ce roman. Il parle de l'amour d'un couple, donc qui se construit à travers le temps, au fil des épreuves, et qui amène deux personnes à se connaître profondément. Et ce lien immuable qu'il y a entre un couple qui vit depuis 20 ans ensemble, mais il parle aussi de l'amour fraternel et de l'amour filial, donc cet amour inconditionnel, l'amour qui lie deux frères ou qui lie un père et ses fils, donc cet amour indéfectible malgré les meurtrissures, puisque c'est vraiment c'est des amours qui souffrent, et de ces amours découlent. Quand il y a la perte d'un être cher, découle toujours un deuil, un processus de deuil qui est long et douloureux et qui amène énormément de souffrance. Donc ça, c'est vraiment les thèmes abordés dans. C'est fort psychologique tout ça. C'est fort psychologique. Donc c'est là où je dis que c'est vraiment le mariage des deux pôles, puisque ici il y a le fantastique est aussi présent, mais il est plus rare, il se fait plus discret et il est absolument pertinent parce que il ne fait que renforcer quand les moments de fantastique arrivent, il renforce la puissance d'impact de la psychologie du roman. Et du coup, le récit, qui est juste là une très belle histoire d'amour, il acquiert une dimension tragique, véritablement mélancolique. C'est vraiment un roman très. Il y a une ambiance vraiment très, très, très. Très, très mélancolique, très retour sur le passé. Nostalgique. Nostalgique. Et ça donne carrément, les effets fantastiques donnent carrément, voire parfois, une ambiance vraiment presque poétique. Mmh. Donc, en conclusion, Histoire de Lizzie, c'est une très grande réussite. Moi je dis carrément que ce serait le roman de la maturité de Stephen King, puisqu'il touchait au processus de création dans ses romans précédents. Ici, la manière dont il l'expose, dont il nous donne sa vision de ce processus est pour certains peut-être discutable, mais la façon dont lui le voit et la façon dont il nous le raconte est vraiment grandiose, magistrale. C'est un roman qui est émouvant, c'est une très belle histoire d'amour. C'est peut-être un peu difficile d'accès dans sa toute première partie pour ceux qui ne sont pas initiés à l'univers de Stephen King, puisqu'il nous plonge dans l'intimité de ce couple, donc de Lizzie et Scott London, dans l'intimité des couples. Quand on est couple, on a tous un langage propre qu'on développe, des expressions, des situations qu'on définit. Des choses qu'on se crée en tant que couple, qu'on appelle d'une certaine manière, et il nous plonge vraiment dans cette intimité du couple. Ça peut être un peu déroutant pour ceux qui sont pas habitués, mais ça serait vraiment idiot de passer à côté de ce livre à cause de ça, parce que c'est vraiment un très très beau roman. Et King nous montre une fois de plus que loin d'être fini, comme certains de ses détracteurs voudraient le dire, eh bien, il est décidément inclassable et il arrive toujours à nous surprendre et il nous emmène dans des contrées que on ne se serait pas cru emmener par Stephen King. Donc c'est vraiment un très beau roman.